بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le sous-chapitre sur Salat al-Eid, باب Salat al-Eidain. وهناك حديث ذكره المؤلف رحمه الله وَلَمْ نَكْرَأْهُ مِنْ كَلَامِهِ. Il y a un hadith que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité, mais nous, on ne l'a pas lu comme étant un hadith que l'auteur a cité. إِلَّا أَنَّنَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ. Sauf que ce hadith, on l'a cité, donc dans les sujets liés à la jurisprudence des divergences entre les ulama. فَنَكْرَأُهُ الْيَوْمِ. Donc aujourd'hui, on va lire ce حديث قال المؤلف رحمه الله عن جندب ابن عبد الله البجلي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. Et donc l'auteur, il nous dit, selon Jundub ibn Abdillah al-Bajali qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière le jour du sacrifice. Puis il a fait la khutbah, puis il a égorgé et a dit, celui qui a égorgé avant de prier, alors qu'il égorge à sa place, donc à la place de la bête sacrifiée, de la bête qui a été égorgée, qu'il égorge une autre à sa place. Et celui qui ne l'a pas fait, donc qui n'a pas encore égorgé, alors qu'il le fasse, bismillah. هذا الحديث متعلق بأول وقت الذبح يوم العيد وقد تقدم الكلام في ذلك. Ce hadith, il est lié au début du temps du sacrifice. À quel moment on commence à faire le sacrifice le jour du Eid? Et certes, on a déjà abordé ce sujet lors des cours précédents. Illa anna lam nadhkur akhir waqt adh-dhabh. Sauf qu'on n'a pas cité le dernier moment où il est légiféré d'égorger sa bête. Wa sahih min qawli ahli al-'ilm anna akhir waqt adh-dhabh bi ghurub ash-shams fi akhir ayyam at-tashriq. Et l'avis le plus juste qu'il y a entre les deux avis des gens de science, est que le temps d'égorgement perdure jusqu'au coucher du soleil lors du dernier jour de At-Tashriq, Ayyam At-Tashriq. هذا هو مذهب الإمام الشافعي. Ça, c'est l'avis de l'imam الشافعي, rahimahullah. Et c'est aussi l'avis qu'a choisi Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Cela en se basant sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimati al-an'am. Et donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la traduction des sens, afin qu'ils citent le nom d'Allah durant des jours ma'loumat, ils ont dit ayyam ma'loumat, c'est ayyam at-tashriq. Et donc, qu'ils citent le nom d'Allah pendant des jours connus sur ce que Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé, les bêtes que Allah leur a accordé. Wa kadhalika akhraj al-imam Ahmad fi al-musnad an Jubayr ibn Mut'im أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح. Imam Ahmed a cité dans son musnad, dans le hadith de Jubayr ibn Mut'im, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, tous les jours du tashriq sont des jours de sacrifice, des jours durant lesquels les gens peuvent égorger. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور أو وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. Ensuite, l'auteur il nous dit, selon Ummi Atiyah, dont son nom c'est Nusayba al-Ansariya, qui dit, il nous a ordonné, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de faire sortir, durant les deux prières du Eid, de faire sortir al-Awatiq. Al-Awatiq, ce sont les filles, les jeunes qui sont presque pubères. Les jeunes filles qui sont presque pubères. Ainsi que celles qui sont les bikr, la fille qui est bikr, donc qui n'a pas encore été mariée. Et il a aussi ordonné à la femme, aux femmes menstruées, de s'éloigner un peu du lieu de prière des musulmans. Wa fi lafdin, et dans une narration, kunna nu'maru an nakhruja yawm al-'id hatta nukhrija al-bikra min khidriha wa hatta nukhrija al-huyyab fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim wa yarjuna barakata dhalika al-yawmi wa tuhratahu. Dans une autre narration de ce même hadith, il nous a été ordonné de sortir le jour du Eid, à tel point que nous faisions sortir la fille Bikr, la jeune qui n'a pas encore été mariée, et donc on la faisait sortir de son khidr. El khidr, ce qui est voulu par là, c'est donc le voile qui était mis à l'époque pour cette jeune fille, parce que c'était des maisons qui étaient quand même petites, qui étaient serrées. Lorsqu'il y avait un invité qui venait à la maison, les gens étaient dans une même pièce. Et donc il y avait un voile qui était mis justement pour ces jeunes filles bikr afin de les protéger, que les gens ne les voient pas, que les invités ne voient pas ces jeunes filles-là. Et donc on les faisait sortir de leur coin où elles étaient cachées du regard des gens pour aller participer à ce jour de fête. Et elle continue en disant... Et aussi, on faisait sortir les femmes menstruées pour participer, afin qu'elles fassent le takbir avec le leur, c'est-à-dire avec le takbir des hommes aussi. Donc, ils faisaient le takbir. Et qu'elles invoquent, pendant qu'eux, ils invoquaient, et elles espéraient la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala, la bénédiction de ce jour, ainsi que son caractère. Donc, son caractère pur et purificateur, le fait de justement que ces actes d'adoration vont être bénéfiques à l'individu. Fi hadha al-hadith masail. Il y a plusieurs sujets dans ce hadith, et ce hadith, on va l'étudier en deux séances, inshallah ta'ala, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, bi'iznillahi ta'ala. C'est le dernier hadith du sous-chapitre. Après, donc on va changer de sous-chapitre comme on l'a cité en début du cours. أولاً أم عطية هذه الصحابية كانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. Premièrement, أم عطية, qu'on a cité tout à l'heure, Nusayba, cette femme qui faisait partie donc des sahabiyat, elle partait en bataille avec le prophète صلى الله عليه وسلم. فَكَانَتْ تُعَالِجُ مَرْضَ الْمُسْلِمِينَ. Et donc elle soignait les malades parmi les croyants, les blessés parmi la bataille. Elle les soignait pour qu'ils puissent retourner encore au combat. Et donc elle allait, elle participait à ces batailles. وَكَذَلِكَ كَانَتْ تُغَسِّ الْمَوْتَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ النِّسَاءِ. Et aussi, elle faisait le lavage mortuaire des femmes, des croyants. Et donc, elle, hiya allati qamat bi ghasli Zainab binti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui a fait le ghusl, le lavage mortuaire de Zainab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cette femme, Ummu Atiya, c'est une des. Elle fait partie des grandes sahabiyats et des personnes importantes de cette communauté. ثم المسألة التي ذكرها العلماء في هذا الحديث هل يجب على المرأة حضور صلاة العيد؟ Et donc, parmi les sujets que les savants ils ont cités liés à ce hadith, est-il obligatoire à la femme de participer à la prière du Eid ? ذكر ابن رجب رحمه الله أنه لا يعلم خلافا في أنه لا يجب على النساء الخروج إلى العيد لكنه مستحب. ابن رجب رحمه الله il cite qu'il ne connaît pas de divergence il ne connaît pas de divergence entre les gens de science sur le fait qu'il n'est pas obligatoire à la femme de participer à la prière du Eid. Cependant, cela est recommandé. Fal amruhuna lil istihbab. Et donc, l'ordre qui est cité dans ce hadith, c'est pour citer que c'est recommandé, pas que c'est obligatoire. Amarana, il nous a ordonné, ils disent ce qui est voulu par là, c'est, il nous a ordonné, il nous a incité, sallallahu alayhi wa sallam, à participer à la prière du Eid. فالقائلون بالوجوب على النساء جاءوا مؤخرا. Et donc, les savants qui disent qu'il est obligatoire aux femmes de participer à la prière du Eid, ils sont venus après. Certains citent que les premiers, par exemple, on a As-San'ani, rahimahullahu ta'ala, et donc, certains ont cité Al-Zahiriya, sauf que en réalité, même, on ne trouve pas de texte clair sur Al-Zahiriya qui dit qu'il voit que c'est obligatoire. Il n'y a pas de texte clair de Al-Zahiriya qui montre que c'est obligatoire à la femme de participer à la à Salat Al-Eid. Lakin, al-ulama, wa kadhalika afwan thabata an ba'di ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kabn Umar رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج نساءه للعيد. Et aussi il a été rapporté de façon authentique que certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Ibn Umar رضي الله عنهما, le fait qu'il ne faisait pas sortir ses épouses, il ne faisait pas sortir ses femmes pour la prière du Eid. لكن العلماء اختلفوا هل خروج النساء للعيد مستحب مطلقا أو يكره في بعض الحالات. Cependant, les savants, ils ont divergé. Est-ce que le fait que la femme sorte pour participer à la prière du Eid, est-ce que cela est tout le temps recommandé ou alors c'est détestable dans certaines situations? Ils ont cité celle qui est jeune, par exemple. Il y a un long débat là-dessus. Le fait qu'il y a la fitna, est-ce que les femmes, il faut qu'elles sortent avec la fitna? On est à une époque où il y a beaucoup de fitna, il y a beaucoup de péchés à notre époque. Certains disent non. Ils disent là. Fekod waqa'atil fahisha fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'autres savants disent même le grand péché, donc zina, c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc de notre époque aussi. Et donc la fitna, elle était présente. Malgré ça, le prophète, il a ordonné aux femmes donc de participer à Salat al-Eid, et donc elles y vont. D'autres savants, ils disent laissa l'amru kadhalik, non, c'est pas comme ça. Fa inna al-dhunub allati hasalat fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qalilatun jiddan بالنسبة إلى التي حصلت في تحصل في زماننا. Les péchés qu'il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très peu nombreux contrairement aux péchés que nous avons à notre époque. Ils disent ceux qui sont venus admettre qu'ils sont tombés dans la fornication, ils se comptent sur les doigts d'une main. Pendant 10 ans. Et ça pendant 10 ans. Il dit aujourd'hui, pendant un mois, Ihsub. Il dit aujourd'hui, combien de personnes tombent dans des péchés à notre époque. Et donc, ya ayyu al-ikhwa, la shakka wa la raib, anna al-fitnata khatiratun jiddan. Il n'y a nul doute sur le fait que la fitna est très dangereuse. Tu vas pour accomplir un acte de bien, etc. Et au final, la fitna fait que tu tombes dans un grand péché au lieu d'accomplir un acte de bien. Fait là-haut, oumina min al-fitna, fait khuruj al-nisa li salat al-eid amrun mustahabun la shak. Lorsque il n'y a pas de fitna, alors le fait que les femmes sortent pour salat al-eid, il n'y a aucun doute en cela. Lakin idha wujidat al-fitna, fait la budda min al-hadar. Cependant, s'il y a de la fitna, il faut absolument faire attention et se méfier. Fait le mar'a in kharajat takhruju masturatan bi libasiha ash-shar'i. La femme, lorsqu'elle sort pour salat al-eid, elle sort couverte avec son vêtement légiféré. Wala tubdi zinataha, elle ne laisse pas apparaître sa beauté et ses atouts. Wa kadhalika ar-rijal la yanzuruna ilayhin. Les hommes ne les regardent pas. Wala yahtalituna bihin. Ils ne se mélangent pas à ces femmes. Et tout cela donc pour nous préserver de la fitna. Barakallahu fikum. وليعلم أن من أهل العلم من استدل بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد. Il y a parmi les gens de science ceux qui se sont appuyés sur ce hadith pour dire que Salat al-Eid est obligatoire. Est-ce qu'on a un problème ici? On va voir si on est réveillé ou pas. Wujub Salat al-Eid. Salat al-Eid est obligatoire. Est-ce qu'il y a un problème ici? Tout à l'heure, on a dit Ibn Rajab, il dit la khilaf, il n'y a pas de divergence sur le fait que ce n'est pas obligatoire. Ça, on a dit Ibn Rajab qui nous dit il n'y a pas de divergence sur le fait que ce n'est pas obligatoire. Pour les femmes. Aïe, barakallahu fik. Et donc tout à l'heure, on parlait des femmes. Maintenant, tout ce qu'on va aborder maintenant, ça concerne les hommes. Et donc parmi les gens de science, certains qui se sont appuyés sur le hadith de Ummu Atiyya pour dire que salat al-eid wajibatun. Fa qalat ta'ifatun bi anna salat al-eid laysat wajiba li anna al-a'rabi ja'a ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alahu 'an al-islam fa dhakara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam as-salawat al-khams fa qala al-a'rabi wallahi lan azid 'ala dhalika wa lan unqus. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. Il y a l'homme, le bédouin, qui est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم, lui interroger concernant l'islam. Le prophète صلى الله عليه وسلم a cité les 5 prières obligatoires par jour. Alors l'homme, il a dit, par Allah, je ne vais rien ajouter de cela, ni diminuer. Je ne rajoute rien. Ça veut dire que je ne rajoute pas l'aïd. J'ai les 5 prières par jour. Wallah, je ne rajoute rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il aura certes réussi s'il est véridique. Aflaha in sadaq. Et donc, ici, ils ont dit, et donc, salat al-eid, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, parce que le prophète, il ne lui a pas rajouté là, hunak salat al-eid, aidan, il faut que tu rajoutes. Wa dhahabat ta'ifatun ila annaha sunnatun mu'akkada. وَفَرْدْ كِفَايَا. Certains savants nous disent c'est une sunna mu'akkada. C'est aussi c'est fard kifaya. C'est une obligation communautaire. C'est-à-dire que c'est une obligation à la communauté musulmane. Il est obligatoire que certains le fassent. Ceux qui ne le font pas ne sont pas pécheurs. قَالُوا هِيَ سُنَّةٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَتْرُكْهَا وَحَدِيثُ الْأَعْرَبِيُّ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ. Il dit c'est une sunna. Pourquoi? Parce que le prophète ne l'a jamais délaissé, salat al-eid. Il ne l'a jamais délaissé. Mais par contre, le hadith du bédouin, qu'on vient de citer, nous montre que ce n'est pas obligatoire. Donc c'est une sunna. C'est une sunna mu'akkada. Le fait qu'ils se sont aussi appuyés sur le hadith de Ummu Atiyya. Le fait que le prophète, il a ordonné aux femmes de sortir pour salat al-eid. Ils disent donc, ça montre l'importance de ce hadith. L'importance de cette prière, excusez-moi. Donc sunnatun mu'akkada. Pourquoi ce n'est pas obligatoire? Le hadith du bédouin. Ensuite, il nous dit, pourquoi fard kifaya? Pourquoi est-ce que c'est une obligation communautaire? Li annaha min sha'a'ir l'islam. Parce que ça fait partie des rites apparents de l'islam. Les rites apparents de l'islam, ils disent, c'est obligatoire, il faut que ça soit fard kifaya. C'est obligatoire qu'il y ait des gens qui le fassent. Ça fait partie des rites apparents. C'est pas, on ne peut pas toute la communauté délaisser les rites apparents de l'islam. Ça, c'est pour le deuxième avis. Le troisième et dernier avis, On a aussi le troisième avis, Al-Qawl al-Thalith, le dernier avis qu'on va citer aujourd'hui, Inch'Allah. Annaha fardu ayn. La prière de Eid est fard, est une obligatoire à tout le monde, donc à tous les hommes. Ma huwa ad-dalil? لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج حتى الحيض. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a ordonné aux femmes de sortir pour participer au Eid. Même les femmes menstruées, elles devaient sortir. Même les femmes menstruées. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, les frères? Barakallahu fikoum. Obligatoire, recommandé, on dit quoi? Hussein. Obligatoire? Hadith de Umm Atiya. On a un problème. On a ishkal wahid. Ça, c'est un problème que j'ai depuis plusieurs années. Jusqu'à présent, je n'ai pas la réponse. On a un problème. C'est que, هذا الحديث, حديث أم حديث أم عطية, قلنا سابقا, إنه لا يدل على الوجوب. أو ليس المراد به الوجوب. On a dit précédemment que ce hadith, le hadith de أم عطية, ce qui est voulu par là, ce n'est pas l'obligation. Pourquoi? Parce que les savants ils n'ont pas vu que c'est obligatoire aux femmes de sortir. Ce hadith, il concerne les femmes. هذا الحديث متعلقون بالنساء. C'est un hadith qui concerne les femmes. Au Mu'atiyah qui nous parle, il nous était ordonné à nous, donc les femmes, de sortir. Et même nukhrijul awat, on faisait sortir les jeunes, presque pubères, ainsi que les bikr, etc. Et donc c'est un hadith qui concerne les femmes. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, le fait que, on a dit ce hadith-là, les savants n'ont pas compris qu'il était obligatoire. Même Ibn Rajab dit, on ne connaît pas de divergence sur le fait que ce n'est pas obligatoire. Qu'on n'a pas de divergence. Et on a Ibn Hazm qui cite l'Ijma. Et donc, c'est problématique. Le fait que, premièrement, c'est un hadith qui concerne les femmes. Pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser pour les hommes? Certains vont nous dire, vu que c'est obligatoire aux femmes, eh ben c'est obligatoire aux hommes. On va dire, taïb, mais le problème c'est qu'ils disent pas, ceux qui disent que c'est obligatoire aux hommes, ils disent pas que c'est obligatoire aux femmes. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce hadith? Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce hadith? Est-ce que tu as compris le problème? Non? Qui a compris le problème? Personne? Je répète ou on va dormir? Je répète? Oh bon, à moi un café avant? Ou on attend Maghrib? Alors, le hadith de Umm Atiya. Umm Atiya, elle nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux femmes de sortir pour l'Eid. Et donc certains savants, ils ont dit, regarde, vu que il a ordonné aux femmes de sortir pour l'Eid, et donc les hommes aussi, c'est obligatoire. Vu que les femmes, même la femme menstruée, elle devait participer. Donc les hommes aussi. Ça, c'est quelque chose, c'est un point important. Mais le problème, c'est que les savants, ils n'ont pas compris de ce hadith de Umm Atiya que la femme, il lui est obligatoire de sortir. Et donc, comment est-ce qu'on peut dire que c'est obligatoire aux hommes, alors que ce hadith, il concerne les femmes, et on dit que ce n'est pas obligatoire aux femmes? Donc là, c'est un problème. Le problème, il est là. Et c'est pour ça que, personnellement, dans ce sujet, ce que je dis, El Ahwat, la vie le plus sûre. Wal Afdol est le meilleur. Annaka takhruj li salat al-Eid, que tu vas sortir pour la prière du Eid. Khuruj min hadha al-khilaf, pour sortir de cette divergence. Wa kadhalika li tashhad hadha al-yawm al-azim, pour participer à ce jour grandiose avec les musulmans. Wa barakat hadha al-yawm, la bénédiction de ce jour. T'espères qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde cette grande récompense. Et donc il est important que le musulman participe à ces événements. Maintenant pour dire que c'est obligatoire, Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa ardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.